Lettre 39e. L'abbé de Lamennais, sa mise négligée, aisance de ses manières, ses écrits ont du rapport avec ceux de Cobbett, changement de ses opinions, les républicains français et O'Connell. J'ai eu hier au soir la satisfaction de voir l'abbé de Lamennais à une soirée. C'était chez Madame Benjamin Constant, dont les salons sont si célèbres par les talents de tout genre qui s'y réunissent, ainsi que par les qualités aimables et brillantes de la maîtresse de la maison. Quant à son extérieur, cet homme célèbre rappelle un dessin original que je me souviens d'avoir vu et qui représentait Jean-Jacques Rousseau. Il est de fort petite taille et fluet en proportion. Sa physionomie est très frappante et indique bien l'habitude des méditations à laquelle il se livre. Mais son œil enfoncé a, dans la rapidité du regard qu'il lance, un air qui ressemble à de l'égarement. Son costume était noir, mais offrait plutôt de la négligence républicaine que de la dignité sacerdotale. Et la petite cravate à carreaux qui entourait son cou délié annonçait en lui un homme qui ne se conforme ni aux modes du jour, ni aux costumes ordinaires des salons. Il avait dîné chez Madame Constant avec 4 ou 5 autres personnes remarquables. Nous le trouvions enfoncé dans une bergère qui cachait presque entièrement sa petite personne et entouré d'un groupe d'hommes avec lesquels il causait, en mettant dans ses discours beaucoup d'ardeur et d'animation. Il avait d'un côté M. de Jouy, l'ermite de la chaussée d'Antin, et de l'autre un député très connu sur les bancs du côté gauche. J'étais placé directement en face de lui, et je puis certifier qu'il m'est arrivé rarement de contempler le jeu d'une physionomie plus animée. Dans le cours de la soirée, il me fut présenté. Ses manières sont fort distinguées, sans aucune roideur ou réserve. Rien qui sente, soit le campagnard, soit l'homme d'église, ne vient gêner leur aisance et leur vivacité. Il plaça sur le champ une chaise en face du sofa sur lequel j'étais assise, et continua de cette manière, le dos tourné au reste de la société, à causer fort agréablement jusqu'à ce qu'un grand nombre de personnes, parmi lesquelles il y avait plusieurs dames, se rassemblassent autour de lui, de sorte que gêné sans doute de se voir assis, pendant qu'elles étaient debout, il se leva, fit un salut et retourna à sa bergère. Il me dit qu'il ne voulait pas rester longtemps à Paris, où il fréquentait trop la société pour pouvoir travailler, qu'il allait en conséquence retourner dans la profonde retraite de sa patrie bretonne pour y achever l'ouvrage dont il s'occupait. Je ne sais si l'ouvrage dont il m'a parlé est la défense des prévenus d'avril qu'il a menacé de fulminer, sous la forme d'une brochure, contre ceux qui ne lui ont pas permis de la présenter verbalement devant la cour. Mais si jamais il publie cette pièce, on assure qu'elle sera d'une éloquence véhémente. Les ouvrages de l'abbé de Lamennais me rappellent singulièrement ceux de Cobbett, mais ce n'est ni par les matières qu'il traite, ni par la forme dont il les couvre, mais par l'effet qu'ils produisent sur l'esprit. Si la plume de l'un ou de l'autre avaient été exclusivement consacrés à la défense d'une bonne cause, leurs écrits auraient été inappréciables pour la société, car ils possèdent tous deux l'étonnante faculté de fixer l'attention et d'entraîner presque le jugement du lecteur, même quand ils traitent des sujets où ils ne sont nullement d'accord avec lui. S'il n'y avait pas dans l'histoire littéraire de l'un comme de l'autre des circonstances qui ne permettent pas de se livrer à cette idée, je croirais que ce pouvoir ou ce charme que je trouve dans leurs écrits provient de la bonne foi avec laquelle ils soutiennent leurs opinions. Mais comme l'abbé de Lamennais et feu M. Cobbett ont montré tous deux que leur foi dans leurs propres opinions n'était pas assez ferme pour les empêcher d'en changer, il faut en conclure que la force qui distingue leur éloquence n'est pas le résultat de la sincérité. J'entendais un jour un jeune et spirituel avocat déclarait qu'il aimerait mieux soutenir une thèse opposée que conforme à sa conviction, et je suis bien assuré qu'il était sincère en parlant ainsi. C'est comme s'il m'eût dit qu'il préférait tuer du gibier à la chasse plutôt que de couper le cou à un poulet. La difficulté faisait le plaisir. En attendant, on ne saurait croire que les deux auteurs que j'ai si étrangement accouplés aient agi d'après le même principe, et quand cela serait, ils n'en auraient pas moins changé d'opinion, à moins que l'on ne voulût supposer que leur but était de s'amuser eux-mêmes et le public en soutenant alternativement le pour et le contre, seulement pour faire preuve de la flexibilité de leur talent. Quant au vrai principe de M. Cobbett, je crois que c'est là une énigme dont le mot ne sera jamais connu, à moins que nous n'adoptions la solution la plus facile et la plus intelligible, et que nous disions qu'il n'en avait pas du tout. Mais il n'en est pas de même de M. de Lamennais. Il n'est pas possible de douter que dans ses premiers écrits, il n'ait été parfaitement sincère. On y sent une ardeur de foi qu'une flamme factice ne pourrait inspirer. Et d'un autre côté, il n'est pas probable qu'il se fût volontairement précipité de la hauteur à laquelle il s'était placé dans l'opinion de toutes les personnes qu'il estimait le plus, s'il n'avait pas cru voir la vérité au fond de l'abîme d'hérésie et de schisme où il s'est jeté selon tous les bons catholiques. En attendant, c'est selon toute apparence le républicanisme auquel il s'est accroché dans sa chute qui lui a fait le plus de tort dans l'estime du monde. Il y a quelques années, les principes libéraux étaient soutenus par les hommes les plus habiles de l'Europe, mais les excès déraisonnables dans lesquels les plus avancés de ce parti sont tombés ont engagé la portion la plus respectable du genre humain, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions théoriques, à se rallier autour de tout ce qui porte le sceau de l'ordre et de l'autorité légale. Il serait difficile d'imaginer une époque moins favorable que celle-ci pour commencer à faire le républicain et l'esprit fort, car mettant de côté les vues d'intérêt personnel par lesquelles on peut être poussé, il faut convenir que le moment n'est pas propice pour une pareille résolution. Tandis que les doctrines des républicains n'existaient qu'en théorie, elles pouvaient séduire bien des gens doués de plus d'imagination que de jugement, mais surtout ignorants. Mais nous avons été témoins de tant de malheurs déplorables, toutes les fois que ces théories ont été mises en pratique, que je suis convaincu qu'aujourd'hui les hommes sages de tous les pays regardent ce projet comme aussi inexécutable que le serait celui de former une colonie dans la Lune. Il est incontestable que l'abbé de Lamennais n'est plus considéré en France comme un homme aussi remarquable qu'il l'était autrefois, et comme il est facile, en lisant ses ouvrages, de suivre sa marche régulièrement descendante, depuis la pureté du prêtre catholique plein de dignité et d'enthousiasme jusqu'à celle de sceptique embarrassé et de factieux démagogue, je ne serais pas fort surprise d'apprendre que le même homme, auquel naguère on destinait à Rome le chapeau de cardinal, eût été vu portant dans les rues un drapeau rouge et chantant « Ça ira » à gorge déployée. M. de Lamennais, d'accord en cela avec plusieurs républicains que j'ai eu occasion de voir depuis que je suis à Paris, paraît convaincu que l'Angleterre est en ce moment complètement soumise aux ordres souverains de M. Daniel O'Connell. Il m'a parlé de lui du ton de la plus profonde admiration et du plus grand respect, et m'a renvoyé aux journaux anglais en témoignage de l'amour et de la haute vénération que l'on éprouve pour lui dans toute la Grande-Bretagne. J'avouerai que cette supposition excita mon courroux, mais je réprimai ce sentiment et je lui dis avec la plus grande douceur que sans doute il n'avait vu que cette partie de la presse anglaise qui appartenait à la faction de Daniel, et que pour ce qui me regardait, je croyais que Guillaume IV était toujours roi de la Grande-Bretagne, qu'il gouvernait avec l'aide de ses lords et de ses communes. Il y a peu de jours, je rencontrai un autre politique de la même école qui alla plus loin encore, car il me complimenta avec la plus étrange gravité sur l'espoir de délivrance que la vertu du grand O'Connell offrait à mon pays. Ce jour-là, j'étais de fort bonne humeur, de sorte que je me mis à rire franchement de cette absurde idée. D'ailleurs, je n'eus pas la peine de répondre à ce propagandiste si éclairé. Un doctrinaire avec qui je me trouvais m'en épargna la peine. « O'Connell est le Napoléon de l'Angleterre, » dit le républicain. « Puisque vous voulez absolument le comparer à un Français, » répondit le doctrinaire, « ne feriez-vous pas mieux de l'appeler le Robespierre de l'Irlande ?»« Il a déjà sauvé l'Irlande, » reprit gravement le républicain, « et maintenant il a pris l'Angleterre sous sa protection. » « Et je pense que l'Angleterre ne tardera pas à le prendre sous la sienne, » continua mon ami en riant. « Jusqu'à présent, il paraît que le pays ne l'a pas jugé digne d'être fouetté. Mais quand un chien est méchant, ne fût-ce qu'un vilain petit hargneux, il doit être lié ou bien pendu. » Après avoir prononcé cette sentence du ton d'un oracle, le doctrinaire prit une grande prise de tabac et se mit à parler d'autre chose.